team, nous étions 23, armés de pelles, de fourches et de manches en bois. La pluie tropicale pleurait toutes ses larmes, sur les feuilles géantes battait le tam-tam. Nous arrivâmes bientôt dans une clairière, et c'est là que sur nous ils tirèrent. Trois compagnons tombèrent autour de moi, nous continuâmes, non ils ne passeront pas.